بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue inshallah l'explication du texte عمدة الفيق. Nous arrivons inshallah au dernier chapitre de Kitab al-Siyam, du livre du jeûne. L'auteur dit rahimahullah باب الاعتكاف. باب الاعتكاف. Donc, l'i'tikaf, nous on va traduire ça en français par la retraite spirituelle, entre guillemets. Donc, l'i'tikaf, dans la langue arabe, c'est al-mulazama, al-luzum. C'est s'astreindre de rester auprès de quelque chose. C'est le fait de rester auprès de quelque chose. D'où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Ibrahim alayhi salam dit à son peuple « Ma hadhihi tamathilu allati antum laha aakifun » Qu'est-ce que c'est que ces statues auprès desquelles vous restez? Ils ont dit Wajadena aba'ana laha abidin. Inna wajadena aba'ana laha abidin. Ils ont dit nous avons trouvé nos pères en train de les adorer. Donc, al-ukouf, d'où est tiré al-i'tikaf. Al-ukouf, al-i'tikaf, c'est le fait de rester donc auprès de quelque chose, d'où la parole d'Ibrahim alayhi salam, comme on l'a vu. Ça, c'est dans la langue arabe et dans le shara, dans le sens législatif, c'est ce qu'a dit l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, wa huwa luzumul masjidi li ta'atillahi ta'ala fi. C'est le fait donc de s'astreindre à rester dans une mosquée. C'est le fait de rester dans une mosquée. Pour quelle raison? Li ta'atillahi ta'ala fi. Afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. L'i'tikaf, donc avant d'entrer dans le détail de ces règles, donc il a été cité par l'imam Ibn Qudama, comme on peut le remarquer, donc après la dernière phrase qui nous parlait de Laylat al-Qadr. La dernière notion qu'on a étudiée, c'est Laylat al-Qadr, la nuit donc, de la destinée. Et on avait cité qu'elle était espérée durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, c'était la période pendant laquelle on espérait le plus, donc trouver Laylat al-Qadr. Et l'imam Ibn Qudama, donc après avoir analysé la notion de Laylat al-Qadr, il a alors ensuite développé la notion d'i'tikaf. Car l'i'tikaf, hein, le prophète alayhi salatu wa salam, de manière majoritaire, d'ailleurs même tout le temps, sauf une fois, hein, le prophète alayhi salatu wa sallam a toujours fait pendant le mois de Ramadan. L'i'tikaf a tout le temps été fait pendant le mois de Ramadan. Une fois, il l'a fait en dehors du mois de Ramadan, mais en tant que qada, hein, en tant que rattrapage. D'où la divergence chez les savants, hein, qui est une divergence très, très, très profonde. Est-ce que, hein, il peut y avoir i'tikaf en dehors du mois de Ramadan? Est-ce qu'il peut y avoir i'tikaf en dehors du mois de Ramadan? Et les deux avis, donc l'avis qui dit il n'y a pas d'i'tikaf si ce n'est pendant le mois de Ramadan, c'est un avis qui est fort. Et l'autre avis aussi, Allah a'lam, assez fondement. Et il y a aussi la divergence sur le fait, est-ce qu'il peut y avoir i'tikaf sans jeûne? Est-ce qu'il peut y avoir retraite spirituelle sans que la personne jeûne? Donc tout ce que l'on va citer après, est-ce que ça peut avoir lieu sans que la personne soit en état de jeûne? Il y a une divergence au niveau de ce point aussi. Certains disent qu'il peut y avoir i'tikaf, donc sans que la personne soit en état de jeûne, et d'autres disent que ce n'est pas une condition. Allah a'lam, en tout cas, l'i'tikaf, le plus certain comme étant dans la sunna, c'est l'i'tikaf qui a lieu pendant le mois de Ramadan, bien sûr pendant que la personne donc, est en état de jeûne. Donc si jamais c'est une personne, bien sûr, donc pour qui le jeûne est obligatoire. On ne parle pas donc du voyageur qui voudrait faire l'i'tikaf, hein, et qui est en état de voyage. On ne parle pas de celui qui est malade et qui voudrait faire l'i'tikaf alors qu'il lui est permis de rompre le jeûne. Ces personnes-là, bien sûr, leur l'i'tikaf, il est bon même s'ils ne jeûnent pas, parce qu'à la base, ils sont donc déchargés de jeûner. Donc, les preuves de la législation de l'i'tikaf, hein, prouvant que c'est légiféré. Il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, verset 187. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, dans le verset où il dit « Uhilla lakum laylat as-siyami ar-rafathu ila nisa'ikum » Donc pendant la nuit, des journées de jeûne, donc le rapport à vos femmes vous a été rendu licite. Antum libasun lahun, vous êtes un vêtement pour elles. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Alim Allahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah sait que vous vous trahissiez. Fataba alaykum wa afa ankum. Et il s'est donc repenti sur vous et vous a pardonné. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ Et maintenant, vous pouvez avoir donc des rapports avec elles, donc de nuit, car on avait expliqué qu'au début du mois de Ramadan, au début, donc, lorsqu'il a été légiféré, les musulmans, lorsqu'ils dormaient la nuit et qu'ils se réveillaient, ne pouvaient pas boire, manger et avoir de rapports avec leurs femmes. Et certains compagnons ont eu des rapports, et Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, Allah sait que vous vous trahissiez, donc en ayant des rapports avec vos femmes. Donc maintenant, il s'est repenti sur vous et vous a pardonné. Wakulu et buvez, washrabu, wakulu et mangez, washrabu et buvez, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, thumma atimmu as-siyam ila al-layl. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Et n'ayez pas donc, ne touchez pas vos femmes, wala tubashiruhunna. Ne touchez pas vos femmes, wa antum aakifuna fil masajid, alors que vous êtes en i'tikaf dans les mosquées, alors que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Ça, c'est un premier verset donc, qui prouve que l'i'tikaf est légiféré. Un autre verset, toujours dans Surat al-Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim et Ismaïl, an tahira baytiya lit-ta'ifina wal-aakifina wa ruk'i as-sujud. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ibrahim et Ismaïl de nettoyer donc la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, an tahira, nettoyer tous deux, baytiya, donc ma maison. Donc c'était la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala ici. Les ta'ifin, pour ceux donc qui vont tourner autour de la Kaaba, wa al-aakifin, ceux qui vont se retirer spirituellement à ce niveau-là, wa ruk'i as-sujud, et pour ceux qui sont en état d'inclinaison et de prosternation. Donc l'i'tikaf, il est légiféré, il n'y a pas de divergence à ce niveau-là. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wa salam, aussi, donc, faisait l'i'tikaf. Donc on a dit que l'imam Ibn Qudama, après avoir cité Laylat al-Qadr, après avoir analysé Laylat al-Qadr, il nous a maintenant parlé de l'i'tikaf. Car l'i'tikaf, notamment, il est fait durant les 10 dernières nuits de Ramadan, car on espère donc tomber sur Laylat al-Qadr. Et comme la nuit se déplace, on avait dit, durant les 10 dernières nuits, et que même toutes les nuits peuvent être qualifiées d'impaires, on avait vu ça lors du dernier dars, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit donc recherchez-la dans les 10 dernières nuits impaires. Donc si on compte à partir du début du mois, les nuits impaires sont 21, 23, 25, 27, 29, mais il dit aussi, donc recherchez-la, dans 9 nuits restantes. Dans 9 nuits restantes. Dans 7 nuits restantes. Dans 5 nuits restantes. Dans 3 nuits restantes. Dans 1 nuit restante. Et si le mois dure 29 jours, alors une nuit restante, c'est la nuit donc du 29. 3 nuits restantes, c'est la nuit du 27. 5 nuits restantes, c'est la nuit du 25. 7 nuits restantes, c'est la nuit du 23. 9 nuits restantes, c'est la nuit du 21. Mais si le mois dure 30 jours, ce qu'on ne sait pas au début, ça on le saura à la fin, est-ce que c'est l'Eid le lendemain du 29 ou pas. Donc si le mois dure 30 jours, alors le prophète, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a dit recherchez-la dans 9 nuits restantes. Donc 9 nuits restantes, ce sera alors la nuit donc du 30, qui est une nuit impaire lorsqu'on compte à partir du début du mois. 9 nuits restantes, ou bien 7 nuits restantes, ou bien 5 nuits restantes, alors ce sera la nuit soit du 30, soit du 28, soit du 26, soit du 24, soit du 22. Donc, toutes les 10 dernières nuits peuvent être Laylat al-Qadr. Donc, l'étikaf est notamment légiféré pour ça, afin que la personne ne rate pas la nuit d'Al-Qadr. Donc, il a dit « Wahoua », donc l'étikaf est « Luzoum al-Masjidi ». Donc, c'est le fait de rester dans la mosquée. Li ta'atillahi ta'ala fi. Donc, pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'étikaf ne peut se faire que dans une mosquée. Il ne peut se faire que dans une mosquée. Donc, il n'y a pas d'étikaf dans quelque chose qui est appelé mosquée par les gens, mais qui n'en est pas en réalité. Comme par exemple les salles de prière, comme celle-ci, qui se trouvent dans les madrasas, par exemple, qui ne sont pas un waqf, qui ne sont pas quelque chose qui a été arrêté pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces salles de prière qui existent dans les écoles, qui existent dans les usines, qui existent dans les prisons, qui existent dans les hôpitaux, qui sont simplement des salles qui ont été mises à disposition pour que les ouvriers, pour que les employés, pour que les élèves, pour que les professeurs ou autres personnes se trouvant dans ce lieu puissent prier, ça, ce ne sont pas des messejides dans le sens shara'i. Ce ne sont pas des messejides dans le sens shara'i. Il dit « li ta'atillah », donc c'est le fait de rester dans une mosquée, « li ta'atillahi ta'ala » pour l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'étikaf, il a un objectif. L'objectif, donc on avait dit, puisqu'il se fait notamment en fin de mois de Ramadan, c'est atteindre Laylat al-Qadr, mais bien sûr, c'est se purifier. Et c'est augmenter sa piété, c'est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça va se faire par les bonnes actions. Donc par la lecture du Coran, par an-nawafil, par les prières surrogatoires, par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça que l'i'tikaf, pendant l'i'tikaf, les salafs rahmahumullah, donc, par exemple, n'apprenaient pas la science. Ils n'apprenaient pas, par exemple, la science. Ils ne faisaient pas des doros entre eux. La personne restait isolée. Ils évitaient même les actions de groupe. La personne reste isolée et elle est en retraite. Et elle évoque Allah subhanahu wa ta'ala, se rapproche de lui par les prières, par les invocations, par l'istighfar, la demande de pardon, le retour vers Allah azza wa jal, par les nombreuses prières, sauf pendant les périodes où c'est interdit. Et de même par toutes les formes d'action, et notamment la lecture du Qur'an, qui permettent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de purifier son âme. Donc, l'étikaf, ce n'est pas un moment pour se rassembler, parler, discuter, rigoler, comme font certains. Le but, ce n'est pas passer du bon temps, entre guillemets, comme le comprennent les gens, même si c'est passer du bon temps dans le sens spirituel, car il n'y a pas de meilleur moment que lorsqu'on est un proche d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration d'Allah azza wa jal. Mais l'étikaf, donc, c'est le fait déjà de rester dans un endroit précis, donc qui est la mosquée, et en plus, dans des actions précises, celle qu'on a citée, c'est-à-dire l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière générale. D'une manière générale, toute obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala entre donc dans les actions de l'i'tikaf du moment qu'elles sont faites à l'intérieur donc de la mosquée. Il dit « wa huwa sunnah ». Donc l'i'tikaf est une sunnah. Car le prophète alayhi salatu wa salam lui-même donc a fait donc l'i'tikaf. Comme c'est cité dans les hadiths suivants, les cites. Le premier « an a'ishata radiyallahu anha qalat » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل متفق عليه. Donc Aïcha radiallahu anha dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم faisait l'i'tikaf les 10 dernières nuits donc de Ramadan jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui ait repris l'âme. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليه. Selon ابن عمر رضي الله عنهما, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم faisait l'i'tikaf les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc l'i'tikaf, comme on a dit, le mieux c'est le faire pendant le mois de Ramadan et en état de jeûne. car il y a divergence sur quelqu'un donc qui le fait en dehors du mois de Ramadan et sur quelqu'un qui ne le fait pas donc en état de jeûne. Aussi, quelle est la durée minimale donc requise pour dire qu'il y a i'tikaf? Est-ce que si je rentre avec l'intention de l'i'tikaf donc, car l'i'tikaf est une ibada, donc il demande une intention. Si jamais je rentre après la prière du dhuhr avec l'intention de faire l'i'tikaf, je fais donc le dhuhr, après je fais deux rak'a et je ressors. Est-ce que c'est un i'tikaf ça? Donc il y a divergence chez les savants hein, sur la durée minimale de l'i'tikaf. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a i'tikaf et quand est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas i'tikaf? Car est-ce que toute présence dans la mosquée est un i'tikaf? Donc certains disent que le minimum, c'est une nuit avec une journée. D'autres disent que c'est une nuit. Et dans le madhhab, le minimum, c'est sa'a. Mais quand on dit sa'a, ce n'est pas une heure, 60 minutes. C'est un moment, hein, c'est un moment qui est jugé par le urf, donc par les gens, la moyenne des gens. Donc c'est un moment qui est jugé comme étant une retraite de la personne. Lorsque la personne, on la voit, et qu'elle est dans des actions d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, on peut dire que c'est quelqu'un qui est donc en i'tikaf. Donc quelqu'un qui fait les ablutions, qui rentre dans la mosquée, hein, en marchant par une porte et ressort d'une autre porte, il a été présent dans une mosquée. Est-ce que ça, c'est un i'tikaf? Non. Ça, dans le urf, personne ne va dire que cette personne est en retraite spirituelle. Donc il faut que ce soit quelque chose qui, lorsque les personnes voient, ils disent « Na'am, ça c'est un i'tikaf ». Car lorsqu'on n'a pas un dabit, un critère clair dans le Coran ou la Sunna délimitant le début et la fin donc, d'une période, on revient vers l'urf. Ici, on n'a pas réellement donc, de période délimitée par le Coran et la Sunna, wallah a'lam. Même si on a le hadith de Omar, hein, radiallahu anhu, donc qui a dit au prophète alayhi salatu wa salam que donc j'avais promis, hein, j'avais fait la promesse à Allah subhanahu wa ta'ala dans le jahiliya de faire l'i'tikaf d'une nuit. De faire l'i'tikaf donc d'une nuit. Et le prophète alayhi salatu wa salam lui dit Aufi binadrik, donc tiens ta promesse en faisant cet i'tikaf d'une nuit. Donc certains savants ont dit que ça c'est la durée minimale requise. Ce qu'on a dans ce hadith de manière sûre, c'est qu'une nuit, c'est de l'i'tikaf. Mais ce hadith-là, il ne dit pas que la durée minimale de l'i'tikaf, c'est une nuit, qu'en deçà d'une nuit, il n'y a pas i'tikaf. Le hadith ne dit pas cela. Omar aurait pu dire, j'ai fait la promesse de faire une demi-nuit, la moitié d'une nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait peut-être dit, donc tiens ta promesse. Donc Allah alam, le hadith, ce qu'on peut en tirer de manière certaine, c'est qu'une nuit est une période sur laquelle que l'on peut juger comme étant de l'i'tikaf, mais ce qui est en deçà d'une nuit, on ne peut pas dire que ce n'est pas de l'i'tikaf par rapport à ce hadith-là. Wallah. Donc il a dit « Wahuwa sunnah ». Donc c'est une sunnah, car le prophète alayhi salatu wassalam a pratiqué l'i'tikaf. Il dit « La yajibu » donc l'i'tikaf n'est pas obligatoire, hein, car c'est une sunnah, c'est un acte recommandé. Ce n'est pas un fard, hein, ce n'est pas un wajib, ce n'est pas une obligation. Il dit donc, la yajibu, il n'est pas obligatoire, illa bin nadr. Sauf en conséquence de la promesse, le nadr. Lillahi alayya an a'takifa kada wa kada, in a'tani kada wa kada. Il est donc du droit d'Allah sur moi que je fasse, par exemple, 3 jours d'i'tikaf, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala me donne telle chose. C'est ce qu'on appelle le nadr. On a dit dans de nombreux durus que c'est makruh ou bien haram, détestable ou bien interdit. Mais une fois que c'est contracté, ça devient wajib. Ça devient une obligation donc de tenir sa promesse. Donc il a dit que l'i'tikaf n'est pas obligatoire sauf celui qui en a fait la promesse. Donc celui qui fait une promesse, un nadr, donc Allah subhanahu wa ta'ala de faire un i'tikaf en conséquence de telle chose, alors ce nadr devient obligatoire. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Man nadhara an yuti'a Allah fal yuti'ahu » rawahu al-Bukhari. Celui qui a fait la promesse donc d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il lui obéisse, rapporté par al-Bukhari. Donc, une fois que quelqu'un a contracté un nadr, une promesse de faire de l'i'tikaf, cet i'tikaf-là, donc, devient obligatoire. Il devient désormais obligatoire. Il dit donc, « وَيَصِحُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ » Et il est donc authentique pour la femme dans toute mosquée. Et il est authentique pour la femme dans toute mosquée. Donc, dans toute mosquée, dans le sens législatif. Dans le sens législatif. Donc, c'est quoi? C'est un endroit qui a été mawquf, arrêté, mis à disposition de manière exclusive pour la prière. Que la prière y soit faite ou pas, qu'il y ait les cinq prières ou pas, qu'il y ait le Jumu'ah ou pas, du moment que cet endroit a été construit, donc, ou acheté et mis à disposition pour la prière de manière exclusive, donc à la base, après s'il y a en plus des cours, des doros, ça c'est normal, une mosquée comporte ça, mais qu'à la base c'est un endroit pour cela, donc ce n'est pas une pièce d'une école, ce n'est pas un endroit pour prier dans un hôpital, dans une prison, dans une usine, non, c'est un endroit qui est donc une mosquée dans le sens shar'i, un masjid, alors à ce moment-là, la femme peut y faire son i'tikaf de manière totale. Du moment qu'à ce moment-là, cet endroit-là prend les règles de la mosquée. Donc si un endroit a été construit par les musulmans, avec l'argent des musulmans, pour que ce soit une mosquée, dès que cette mosquée elle est terminée, elle prend tout de suite, même avant la première prière, les règles de la mosquée. On ne peut plus dedans donc vendre et acheter. On ne peut plus dedans faire « inshadu d'Allah ». Si quelqu'un a perdu quelque chose, il ne peut pas venir et dire aux gens qu'il a trouvé. De même, celui qui est en janaba, celui qui est en état donc, de grande impureté, il ne peut pas donc, rentrer, s'asseoir, rester dans la mosquée. Donc, cet endroit-là prend tout de suite le statut de mosquée et ses règles, car c'est devenu une mosquée. Donc, cet endroit-là, la femme peut y faire l'i'tikaf, même s'il n'y a jamais l'éden dedans, même s'il n'y a pas encore de prière. Pourquoi? Parce que c'est désormais une mosquée et la femme n'est pas tenue de d'être présente à la jama'a, à la prière en groupe. Car le fait que, est-ce que l'homme aussi donc, peut prier dans une mosquée où il n'y a pas donc, de prière en groupe, ça découle d'une notion, c'est est-ce que la prière en groupe est obligatoire ou non. Donc ceux qui disent que la prière en groupe c'est une sunna et qu'il est permis de prier tout seul, alors l'homme aussi pourra faire l'i'tikaf dans une mosquée où il n'y a personne, ou bien il y a une prière de temps en temps. Ou bien il y a deux prières, trois prières. Même s'il y a une mosquée à côté où il y a les cinq prières, c'est mieux d'aller là-bas. Mais il lui est quand même permis d'aller faire l'i'tikaf tout seul dans une mosquée. Pourquoi? Parce que la jama'a donc, est sunna pour certains savants. Mais selon l'avis où c'est obligatoire, c'est wajib, il ne pourra pas faire son i'tikaf. Donc c'est l'avis ici qui est adopté. Il ne pourra pas faire son i'tikaf dans une mosquée où il est tout seul. Parce que sortir de cette mosquée-là pour aller faire la prière en groupe sera une obligation et ce sera une sortie trop fréquente. Donc, cet i'tikaf-là n'est pas accepté. Donc, il a dit « وَيَصِحُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ مَسْجِدِ » Et donc, l'i'tikaf est authentique donc, dans toute mosquée pour la femme. « فَلَا يُشْتَرَتُ أَن تُقَامَ صَلَاتُ الْجَمَاعَةِ وَلَا صَلَاتُ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي » Donc ce n'est pas une condition que la prière de groupe et la prière du Jumu'ah, du vendredi, soient faites dans une mosquée où la femme fait son i'tikaf, car ce ne sont pas des obligations pour elle. Donc ça va être aussi le statut du voyageur, quelqu'un qui passe, qui est de voyage et qui reste deux jours dans une ville. Il n'est pas pour lui d'être présent dans les salats de groupe et de faire le Jumu'ah, car il est de voyage, il a le statut du voyageur. Lui aussi peut faire l'i'tikaf dans une mosquée, hein, donc où il n'y a pas la prière d'al-jama'a, de groupe, et la prière du jumu'a, car ce ne sont pas des obligations pour lui. De même, le malade donc, qui est déchargé du jumu'a et de la prière d'al-jama'a, il peut faire ça, même si c'est un homme. Il peut faire son i'tikaf dans une mosquée où il n'y a pas de jama'a et de jumu'a. Mais il faut que ce soit quand même une mosquée donc qui est un waqf pour la prière pour les musulmans, qui a le statut donc, qui répond aux règles de la mosquée, où on ne peut pas vendre, acheter dedans, on ne peut pas faire inshadu d'Allah, on ne peut pas faire tout ce qui est interdit dans une mosquée. Donc, le masjid, ce qu'on appelle le masjid d'une femme à la maison. Hein, au temps du prophète, والسلام, les femmes avaient un endroit précis de leur maison, hein, dédié à la prière. Et ça, on appelle ça masjidul mar'ati fi baytiha, la mosquée de la femme chez elle. Est-ce que elle peut faire l'i'tikaf ici? Non, de manière totale, absolue, elle ne peut pas. Car cet endroit-là, on peut vendre, acheter, on peut demander un objet qu'on aurait perdu. Elle-même, elle peut rester dans cet endroit-là en état de menstru. Quelqu'un qui est en janaba peut rester dans cet endroit-là. Ce n'est pas une mosquée dans le sens où c'est un waqf, un endroit arrêté pour les musulmans afin qu'ils prient dedans. Donc ce n'est pas un masjid dans le sens shar'i. Il dit ensuite: Wa la yasihhu min ar-rajuli illa fi masjidin tuqamu fihi al-jama'a. Et il n'est pas authentique pour un homme, donc l'i'tikaf, si ce n'est dans une mosquée où est faite al-jama'a, donc la prière de groupe. Et an i'tikafahu fi masjidin la tuqamu fihi al-jama'atu yu'addi ila khurujihi fi kulli waqti salatin لحضور الجماعة في مسجد آخر مع إمكان التحرز منه وذلك مناف للاعتكاف الذي هو لزوم المعتكف. Donc, quelle est la définition de l'i'tikaf? Lousoum, lousoum al-masjid. C'est le fait de rester dans une mosquée, de s'astreindre à rester dans une mosquée. Donc si la personne fait son i'tikaf dans une mosquée où il n'y a pas la prière d'al-jama'a, qui est donc une obligation, et qu'il y a une mosquée à côté de lui où il y a la prière d'El Jama'a, la prière de groupe, le fait donc qu'il soit obligé de sortir à chaque fois, ça fait perdre donc le sens de l'i'tikaf et la définition même de l'i'tikaf. On ne pourra pas dire cette personne, elle est en i'tikaf. Quand c'est le dhuhr, elle part. Elle finit son dhuhr, elle revient. C'est le asr, elle part. Elle finit le asr, elle revient, etc. Ça fait 10 allers-retours au moins dans la journée, entre la journée et la nuit. Donc ça, ce n'est plus un i'tikaf. Ce n'est pas un i'tikaf. Notamment s'il peut s'en protéger, car il a une mosquée à côté, donc où il y a la prière en groupe. Il dit ensuite: وَاعْتِكَافُهُ فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ أَفْضَلُ. Il dit: et son i'tikaf dans une mosquée où il y a al-jumu'ah, où al-jumu'ah est fait, donc la prière du vendredi, donc son i'tikaf dans une mosquée où le jumu'ah est fait est meilleur. Donc ici, l'imam Ibn Qudama ne parle pas d'authenticité ou bien de nullité de l'i'tikaf. Concernant la prière d'El Jama'a, pas d'El Jumu'a, d'El Jama'a, donc la prière de groupe, l'i'tikaf n'est authentique que s'il se fait dans une mosquée où il y a la prière de groupe. Mais El Jumu'a, comme c'est un rassemblement hebdomadaire, le mieux, c'est qu'il fasse son i'tikaf donc dans une mosquée où il y a Al-Jumu'ah. Et là, on parle d'un i'tikaf qui doit se faire pendant une période où il y a Al-Jumu'ah. Donc, par exemple, l'i'tikaf des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. C'est un i'tikaf où il va y avoir Al-Jumu'ah. Donc, cet i'tikaf-là, c'est mieux de le faire dans une mosquée où il y a Al-Jumu'ah. Mais c'est permis de le faire dans une mosquée où il n'y a pas donc Al-Jumu'ah, car cette sortie, donc, qui va être temporaire pour aller faire Al-Jumu'ah et qui est une excuse valable, ce n'est pas une sortie donc annulatrice de l'i'tikaf. Et qui ne fait pas non plus perdre le sens de l'i'tikaf qui est l'ouzoum ou masjidin. L'ouzoum, masjidin, qui est le fait de s'astreindre à rester dans une mosquée. Une sortie comme ça dans la semaine, ça ne fait pas perdre l'esprit, la définition de l'i'tikaf. Mais c'est mieux d'être dans une mosquée où il y a donc Al-Jumu'ah, hein, car ça va donc permettre de ne pas sortir. Donc, et si jamais il sort, hein, si jamais il sort, donc pour El Jumu'ah, alors qu'il est dans les i'tikaf, on va le voir ensuite par rapport aux sorties, ce qui annule et ce qui n'annule pas, il sort dans le strict besoin. Il va à son Jumu'ah et il revient. Il ne lui a pas permis de faire plus que cela. Simplement, il sort, donc il fait son Jumu'ah et il revient tout de suite. Et Inch'Allah, ceci n'a aucune conséquence sur son i'tikaf. Il dit ensuite: وَمَنْ نَذَرَ الْاِعْتِكَافَ وَالصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ. Et celui qui a promis de faire l'i'tikaf et la prière, c'est-à-dire, ou bien la prière, dans une mosquée, quelle qu'elle soit. Donc là, lorsqu'on dit une mosquée, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'on en écarte trois. La mosquée, donc Masjid al-Haram, la mosquée de la Mecque, la mosquée où il y a la Kaaba, Ça, c'est la première mosquée. La deuxième mosquée, c'est Masjidil Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée du prophète alayhi salatu wa sallam. La troisième mosquée, Masjidul Aqsa, la mosquée de Al-Aqsa. Donc celui qui a dit, il est pour Allah sur moi, il est donc du droit d'Allah sur moi que s'il me donne un enfant, je fasse l'i'tikaf 5 jours dans une mosquée, dans n'importe quelle mosquée. Il a dit, je ferai l'i'tikaf 5 jours, il a dit, non, dans telle mosquée, il a désigné une mosquée. Mais il a désigné une mosquée autre que ces 3 mosquées. Qu'est-ce qu'il dit ? فَلَهُ فِعْلُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ Il lui est permis donc de faire l'i'tikaf dans n'importe quelle mosquée, même une autre mosquée que celle-là, même s'il a désigné la mosquée. Il a dit, il appartient à Allah, s'il me donne telle chose, de faire l'i'tikaf 3 jours, dans Masjid al-Furqan, de Valence, مثلاً, dans la mosquée al-Furqan de Valence. Est-ce qu'il peut faire l'i'tikaf, donc pour répondre à sa promesse, à son nadr, dans une autre mosquée? Oui, il peut. Même s'il a fait un nadr de prière. Si Allah me donne un travail, je ferai 4 rak'at dans telle mosquée. Et il désigne une mosquée. Il peut faire ce nadr-là, donc répondre à cette promesse-là dans n'importe quelle mosquée. Car toutes ces mosquées-là ont le même statut, wallahu a'lam, et elles ne font pas partie donc des 3 grandes mosquées qui, elles, au contraire, sont des mosquées qui sont désignées dans le Coran. Et la sunna, dans le Coran, on a Masjid al-Haram. Dans la sunna, on a aussi la mosquée du prophète, alayhi salatu wa salam. On a Masjid al-Aqsa, aussi dans le Coran. Subhanalladhi asra bi'abdihi min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Gloire, pureté, subhanalladhi, à celui qui a donc pris son serviteur de Al-Masjid al-Haram jusqu'à Masjid al-Aqsa. Et aussi la mosquée du prophète alayhi salatu wa sallam a été citée dans des hadiths comme on va le voir ensuite. Bihawlillah. Donc celui qui fait un nadr d'une prière ou d'un i'tikaf dans une mosquée et qui la précise, mais que ce n'est pas une des 3 mosquées, la mosquée donc de la Mecque où il y a la Kaaba, Masjid al-Haram, ou bien la mosquée du prophète alayhi salatu wa sallam, ou bien Masjid al-Aqsa, alors il lui est permis de faire cette promesse-là. Donc dans n'importe quelle mosquée. Il a dit illa al-masajid al-thalatha, sauf les 3 mosquées. Il a dit sauf les 3 mosquées qui sont Masjid al-Haram à la Mecque, la mosquée du prophète alayhi salatu wa sallam à Médine et Masjid al-Aqsa qui se trouve dans la Palestine actuelle. Fa innahu idha nadhara al-i'tikafa aw as-salata fi ahadiha lam yasihha dhalika fi masjidin aqall minhu fadla. Donc si jamais il a fait une promesse de prière ou bien d'i'tikaf dans une de ces 3 mosquées, alors il n'est pas permis de faire l'i'tikaf ou bien la prière qui a été promise dans une mosquée ayant un degré en dessous. Donc selon le détail qui va être donné là. فَإِذَا نَظَرَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَزِمَ. Si jamais il a promis de faire un i'tikaf ou bien une prière dans Masjid al-Haram qui est la meilleure donc des mosquées de la planète et qui est la meilleure même de ces 3-là, donc, l'azimahu, il est obligé de répondre à sa promesse là-bas. Il est obligé de faire cet i'tikaf là-bas. Donc, lillahi alayya, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, a pour droit sur moi, s'il me donne un enfant, s'il me donne un travail, s'il me guérit de telle maladie, que je fasse 2 semaines d'i'tikaf, donc, à Masjid al-Haram, il ne peut pas, donc, exécuter cette promesse ni dans la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam, ni dans Masjid al-Aqsa, ni dans quelque mosquée que ce soit. Mais obligatoirement, il doit aller donc là-bas pour faire donc son nadr, sa promesse, pour l'exécuter. Donc, car cette mosquée-là qui a été désignée de manière précise, elle a une vertu précise, et c'est d'ailleurs la meilleure des mosquées, donc il va falloir répondre à ce nadr qui est précis en allant dans cet endroit précis qui avait été donc précisé. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit salatun fil masjid al harami salatun fil masjid al harami bi mi'ati alf salah fi ma siwah. Donc une prière dans la mosquée sacrée donc de la Mecque, pas n'importe quelle mosquée de la Mecque, la mosquée sacrée de la Mecque là où il y a la Kaaba. Salatun fil masjid al haram bi mi'ati alf salah fi ma siwah. Donc est l'équivalent de 1000 prières dans toute autre mosquée. Donc il dit وَإِن نَذَرَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَلَهُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Et si jamais il a promis donc une prière ou un i'tikaf dans la mosquée de Médine, donc la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, alors il lui est permis de faire cette promesse-là d'i'tikaf ou de prière dans la mosquée donc de la Mecque, la mosquée sacrée, le Masjid al-Haram. C'est permis, car c'est une mosquée qui est au-dessus de celle du prophète alayhi salatu wassalam en degré. Donc il pourra la faire dans la mosquée sacrée d'Al-Haram et aussi dans la mosquée de Médine qu'il avait désignée par son nadr, par sa promesse. Car la mosquée, donc, Masjid al-Haram, est meilleure que la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, en raison du hadith suivant. Salatun fi masjidi hadha khayrun min alfi salat fi masiwahu illa al-Masjid al-Haram. Muttafaqun alayhi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit une prière dans ma mosquée ici, dans ma mosquée celle-ci, est meilleure que 1000 prières. Est meilleure que 1000 prières. Tout à l'heure, on a bien dit 100 000 quand on a traduit. J'ai dit 1000, hein? C'est ce dont je me souviens. Non, j'ai fait une erreur. Dans Masjid al-Haram, une prière dans Masjid al-Haram donc, équivaut à 100 000 prières d'une autre mosquée. Équivaut à 100 000 prières d'une autre mosquée. Et ici, concernant la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, une prière dans ma mosquée, celle-ci, est meilleure que 1000 prières dans toute autre mosquée, illa al-Masjid al-Haram, sauf la mosquée donc sacrée à la Mecque. Muttafaqun alayhi, unanimement reconnu authentique. Il dit وَإِن نَذَرَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِمَا. Et si jamais il a fait une promesse de prière ou bien d'i'tikaf dans Masjid al-Aqsa, alors il lui est permis d'exécuter cette prière-là dans les deux mosquées précédentes, le Masjid al-Haram de Mecca ou bien le Masjid al-Nabawi de Médine. Dans la mosquée prophétique du prophète, dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam de Médine. Car cette mosquée-là est un degré en dessous des deux précédentes. Donc il lui sera permis, pour une promesse qui a été faite de Nadru d'Itikaf dans Masjid al-Aqsa, de le faire dans trois mosquées alors. Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi et aussi Masjid al-Aqsa. Concernant les vertus de la prière à Masjid al-Aqsa, tous les hadiths, hein, il n'y en a pas un qui est exempt de critique. Tous peuvent être critiqués et affaiblis. Donc on a le premier, c'est le hadith d'Abi Darda, radiyallahu anhu. Donc dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Fadlu salati fil masjid al-haram ala ghayrihi mi'atu alfi salat. » Donc la vertu, le mérite donc de la prière dans la mosquée d'Al-Haram sur les autres mosquées, c'est 100 000 prières. Il dit « وَفِي مَسْجِدِي أَلْفُ الصَّلَةِ » Et dans ma mosquée, c'est 1000 prières. « وَفِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَمْسُ مِئَةِ صَلَةِ » Et dans la mosquée donc de Al-Aqsa, c'est 500 prières. C'est 500 prières. Mais ce hadith-là, il y a une forte divergence dessus. Il est rapporté par Al-Bazzar, Al-Tahawi, et dans sa chaîne de transmission, il y a Saïd ibn Bashir, et il est faible. Al-Bazzar a dit que c'était un bon hadith, mais la majorité écrasante des savants disent que c'est un hadith qui est faible. Wallahu a'lam. Donc ce hadith-là, il est faible. Wal'ilmu indallah. Il y a aussi le hadith dans lequel l'équivalent donc d'une prière à la mosquée Al-Aqsa, ce serait 250 prières dans une autre mosquée. Ce n'est pas cité directement comme ça, mais c'est cité comme étant le quart du mérite des prières dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et on a vu que la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, de manière authentique, hein, une prière dans cette mosquée équivaut à 1000 prières dans une autre mosquée. Donc le quart de 1000 prières, c'est 250. Et c'est le hadith suivant, donc dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Salatun fi masjidi hadha afdalu min arba'i salawatin fi » Une prière dans ma mosquée est meilleure que 4 prières dans la mosquée Al-Aqsa. Une prière dans ma mosquée, le prophète alayhi salatu wassalam dit, est meilleure que 4 prières dans Masjid Al-Aqsa. Donc, la prière dans Masjid Al-Aqsa aurait l'équivalent de 250 prières dans toute autre mosquée ordinaire. فالله أعلم في حديث لا il y a aussi une divergence dessus. الله أعلم الإمام المنذري الذي رواه البيهقي rapporté par البيهقي بإسناد لا بأس به par une chaîne de transmission qui n'a pas de problème وفي متنه غرابة. Mais il y a une étrangeté donc dans son texte. Certains l'ont affaibli, d'autres l'ont authentifié. Wallah alam. De mémoire, je me souviens que Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, dans Tamam al-Minnah, il l'a authentifié. Wallah alam. Donc, Inch'Allah, ce hadith-là, en tout cas, est plus authentique que le hadith disant 500. Donc, la mosquée d'Al-Aqsa, la prière dans la mosquée d'Al-Aqsa, Inch'Allah, a pour vertu donc de 250 prières dans toute autre mosquée. Donc celui qui a fait un nadr, une promesse d'irtikaf ou bien de prière dans la mosquée d'Al-Aqsa, il peut la faire dans les deux grandes mosquées d'Al-Haram et de Médine et dans la mosquée d'Al-Aqsa. Et ce cas précis a été rapporté au temps du prophète alayhi salatu wasalam, dans un hadith rapporté par Jabir radiyallahu an, anna rajulan qala yawm al-fath, un jour, donc le jour de la victoire de la Mecque, un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wasalam. Il a dit, ya Rasulallah, inni nadartu in fataha Allahu alayka makkah an usalli fi bayt al-maqdis. Cet homme est venu, il a dit au prophète alayhi salatu wasalam, ô messager d'Allah, donc j'ai fait comme nadr, comme promesse à Allah azza wa jal, si Allah donc te donne la victoire à la Mecque, il te rend la Mecque, de aller prier à bayt al-maqdis. Faqala salli ha huna, le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit, prie ici. فسأله فقال صلها هنا. La personne lui a redemandé, il lui a dit prie ici, le prophète alayhi salatu wasalam. فسأله une troisième fois, la personne lui a encore demandé, il lui a dit فشأنك إذن. Le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit fais ce que tu veux alors. Soit tu pries là, soit tu pries à Masjid al-Aqsa. Le hadith est rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Donc le prophète alayhi salatu wasalam lui a donné le choix, soit Masjid al-Aqsa comme c'était sa promesse à l'origine, ou bien Masjid al-Haram ici à la Mecque, car la mosquée a plus de vertus que celle d'Al-Aqsa. Il dit ensuite, rahimahullah, donc Ibn Qudama, wa yustahabbu lil mu'takif al-ishtighal bi fi'l al-qurab. Et il est recommandé donc pour celui qui est en i'tikaf de faire donc des adorations. Des qurab, donc c'est des actions qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le pluriel de qurba. Et la bonne action donc, l'action légiférée a été appelée qurbah car elle rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'i'tikaf, ce n'est pas un moment où on est là pour s'amuser, pour discuter, pour se raconter des histoires qui n'ont pas de sens et pour passer le temps simplement comme le font certains. Donc il a dit « wa yustahab », celui qui reste à la mosquée qui ne fait rien. Donc il entre avec l'intention de l'i'tikaf dans la mosquée. Donc ça c'est quelque chose d'important. On met l'intention donc de faire son i'tikaf. Ensuite, on entre donc dans la mosquée. Et cette intention-là, on ne l'a pas dit, il faut que cette intention, elle soit émise lorsqu'on a mis l'intention de faire l'i'tikaf, donc un certain nombre de journées, il faut que cette intention, elle soit mise avant le coucher du soleil de cette journée-là. Et vous savez que la nuit précède le jour. La nuit précède le jour. Donc, si jamais j'ai mis l'intention de faire l'i'tikaf à partir de lundi, donc de faire 5 jours par exemple, et que je veux les commencer à partir de lundi, il faut que, donc, lorsque le soleil se couche dimanche, avant que le soleil se couche dimanche, à ce moment-là, je mette l'intention. Car la nuit précède la journée. Et il faut mettre donc l'intention avant le coucher du soleil. Car à partir du coucher du soleil, alors il y a démarrage de la journée. Et de même pour celui qui veut faire l'i'tikaf les 10 dernières nuits du Ramadan. Donc on est la journée du 20, au moment du coucher du soleil, où lorsqu'on passe du 20 au 21, là c'est la nuit du 21, c'est là que je mets mon intention. Celui qui dit à sa femme, lorsque les 10 dernières nuits du mois de Ramadan entreront, tu es divorcé, c'est à ce moment-là qu'elle est divorcée. C'est au moment du coucher du soleil. C'est pas, et pour tous les savants, ce n'est pas lorsque le soleil se lève au Fajr. Ce n'est pas lorsque le soleil se lève au Fajr. Donc, même pour ici, les statuts sont mis en lien donc avec le Ghuroub, le coucher du soleil de la journée, non pas le lever du fajr de la journée. Donc l'intention, elle se met par le cœur. Comme vous savez, on ne la prononce pas avec la langue. On la prononce pas avec la langue. Ça, c'est quelque chose d'important. Le groupe de Tablir, il a cette chose-là. Ils ont leur i'tikaf, donc il se fait le jeudi, comme ils disent. Ce n'est pas un i'tikaf en plus shara'i. Donc le jeudi, ils se réunissent, ils écoutent leurs discours, etc. Ils ont cette chose qu'ils ont légiférée. Et ils disent, on va faire la nuit de l'i'tikaf. Ils prennent leur sac et ils se réunissent dans leur merkez, leur QG, qui sont une mosquée régionale, nationale. Et ils se réunissent, ils écoutent un discours et après ils sortent le week-end. Et ils disent que c'est un i'tikaf ça. Et celui qui va observer donc les mosquées où se réunissent ces frères-là, hein, les gens ne sont pas en i'tikaf. Ils sortent de la mosquée n'importe quand, n'importe quel moment, et la plupart ne savent pas les règles de l'i'tikaf et ils ne sont pas dans un louzoum de la mosquée. Il y en a, ils sortent fumer une petite cigarette devant la mosquée, l'autre il va boire un café ou un thé, et papoter avec son frère en face de, juste à côté de la mosquée ou parfois dans la mosquée, ils ne sont même pas du tout dans l'i'tikaf. Ils n'ont même pas mis d'ailleurs l'intention de l'i'tikaf. Et même ceux qui ont mis l'intention de l'i'tikaf, souvent ils l'annulent par des sorties sans besoin. Donc on va voir les sorties qui sont permises. Donc ça, ce n'est pas un i'tikaf en aucun cas. Et on entend beaucoup de gens, donc dans ce qu'ils appellent les hidayat, dans les conseils pour celui qui sort, ils disent lorsque tu mets l'intention de l'i'tikaf, tu dis avec ta bouche « Allahumma inni nawaitu al-i'tikaf ». Oh Allah, j'ai mis l'intention donc de faire l'i'tikaf et ça c'est une bid'ah. Celui qui fréquente ou a fréquenté donc le groupe le sait très bien que c'est dit quasiment tous les jeudis lors des conseils pour les groupes qui sortent. Donc ça c'est une innovation, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Donc l'intention, elle se met avec le cœur et rien d'autre. Donc il a dit « وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ الْإِشْتِغَالُ بِفِعْلِ الْقُرَبِ » Donc il est recommandé pour le mu'takif, hein, pas le mu'takaf. Le mu'takaf, c'est où je fais mon i'tikaf. C'est la mosquée. Le mu'takif, hein, c'est celui qui fait l'i'tikaf. Le mu'takifah, c'est la femme qui fait l'i'tikaf. Donc il est recommandé, pas obligatoire, de faire donc des bonnes actions. Donc celui qui reste à la mosquée, il se tait. Il met l'intention de l'i'tikaf et il dort. Il met l'intention de l'i'tikaf et il dort. Il est dans le ta'a, lui. Il n'est pas dans le ma'asiyah, il n'est pas dans le péché, mais il n'est pas dans al-qurab. Il n'est pas dans al-qurab. Il n'est pas dans des actions qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas dans, là-dedans. Donc, c'est recommandé pour la personne de lire le Coran, de faire sa prière, etc. Les actions... Donc, qui sont elles-mêmes recommandées. Mais ce n'est pas recommandé pour lui au moment du dhuhr de faire la prière du dhuhr. Lorsqu'il y a l'aden et l'iqama, il peut rester au fond et dormir. Il dit, je vais le faire après, je suis en i'tikaf. Non, il est obligé de se lever et de faire la prière avec les gens. Donc là, c'est une qurba, une action qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est obligatoire pour lui. Donc, ce qui est recommandé, c'est les actions qui sont à la base recommandées. Mais ce qui est obligatoire pour lui, hein, reste obligatoire. Donc, al-qurab wa hiya al-ibadat al-khassat allati baynahu wa bayna Allah ta'ala. Donc, ce sont les actes qui sont spécifiques entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Ka qira'ati al-Qur'an, comme la lecture du Coran, wa dhikri, et l'évocation d'Allah azza wa jal, wa salati an-nafilah, et la prière surérogatoire, wa ma ashbaha dhalik, et tout ce qui ressemble à cela. Wa qala fi sharh al-mumti', Cheikh Al-Uthaymin a dit dans son charh Al-Mumti' wa huwa afdalu min al-dhahabi ila halaqat al-ilm, et c'est meilleur pour lui donc de lire le Coran, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des nawafil, des prières surérogatoires, que de partir au cercle de ilm. Allahumma illa an takuna hadhihi al-halaqat nadiratan la tuhsalu lahu fi ghayri hadha al-waqt, fa rubbama naqul talab al-ilm fi hadhihi al-hali afdalu min al-ishtighal bil-ibadat al-khassa. Donc il a dit l'imam Al-Uthaymin, rahimahullah, que évoquer Allah, faire des do'as, faire des prières surérogatoires, la lecture du Coran, c'est mieux pour lui qu'aller dans les cercles de science. Donc si tu es en i'tikaf dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'il y a un cercle d'un savant à côté de toi, hein, c'est mieux pour toi de lire le Coran tout seul que d'aller là-bas dans le cercle écouter ce savant-là. Car c'est la base dans l'i'tikaf. La base dans l'i'tikaf, c'est les actes intimes entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'étiquette, il y a cette notion d'isolement, hein, s'isoler, hein, et s'astreindre à rester en lien intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit sauf si jamais, donc ce sont des cercles exceptionnels et qu'il ne peut pas donc y assister en dehors de cette période-là. Donc dans cette mosquée, il n'y a jamais de doros, par exemple deux cercles. Et pendant le mois de Ramadan, alors l'imam se met à faire des cercles, il y a un prêcheur qui vient et qui fait donc des halaqat, des cercles de science, et quelqu'un qui parle selon le Qur'an et la Sunnah, bien sûr. Donc à ce moment-là, c'est bien que tu y ailles, et c'est peut-être même mieux que rester dans le dhikr tout seul alors qu'il y a ce cercle, le Qur'an, car c'est un cercle qui ne va pas prendre tout ton i'tikaf d'abord et que tu ne retrouveras pas ensuite. Donc à ce moment-là, le Cheikh Al-Uthaymin, il dit que ça peut être mieux. Il a dit car cela, لِأَنَّ هَذَا لَا يُشْغِلُوا عَنْ مَقْصُودِ الْإِعْتِكَافِ car cela ne détourne pas de l'objectif de l'i'tikaf. Donc il est recommandé de faire des bonnes actions, et ça c'est extrêmement important mes frères, car le but de l'i'tikaf c'est de sortir comme étant une autre personne. Avoir changé en piété, avoir changé en taqwa, avoir changé en crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, en proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui fait un véritable i'tikaf, ça se voit sur son visage, akhi. Son visage, il a changé. Tara alayhi nura, tu vois sur lui, inshaAllah, la lumière des ibadat. La lumière de tous les versets qu'il a lus, des prières surrogatoires, lorsqu'il levait ses mains vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un repentant, tu vas le voir sur cette personne-là. Car le cœur, lorsqu'il change et qu'il s'illumine, par les qurab, par les actions qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, le corps change. Tu vois sur cette personne, Samtul Abidin. Tu vois sur lui la manière d'être des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois qu'il est en recueil, tu vois qu'il est posé, tu vois qu'il est tranquille, car il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et son cœur s'est purifié. Mais ça, c'est celui qui a été occupé dans la lecture du Coran, qui méditait sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ce que lui dit Allah azza wa jalla à travers ces versets-là. C'est sur celui qui a allongé ses prosternations, ses inclinaisons, et qui se rabaissait pour Allah, le Seigneur et Maître des univers. Celui-là, Inch'Allah, au bout de 10 jours d'i'tikaf, au bout de 20 jours, au bout de 3 jours, au bout de 4, 5 jours, il ressort, bismillah, comme étant une autre personne. Mais celui qui était en i'tikaf, et qui était là à faire des blagues, à rigoler, Allah a'lam dans cette époque ce que peuvent faire des gens en i'tikaf. Qui était là à envoyer des SMS, à tweeter les gens, avec son portable, avec son iPhone. Cette personne-là, il va ressortir avec de la lumière. Cette personne-là, il va ressortir en ayant changé. Celui qui rentre avec le Wi-Fi et qui est là à surfer sur le net pendant son étiquette, il n'a rien compris à Internet. Même si tu peux débattre sur le caractère licite ou illicite d'aller sur un site Internet musulman, mais qui aujourd'hui, lorsqu'il surfe entre guillemets sur le net, ne passe jamais par une image? Par une image bizarre, par une image, nas'alullah as-salam wa al-afiyah, par un son qui ne te plaît pas. Donc ça, c'est des choses à délaisser pendant l'i'tikaf. Et vraiment essayer de faire un i'tikaf comme faisaient les salafs, rahimahumullah. Un i'tikaf où ils étaient plongés dans le livre d'Allah, dans l'invocation et l'évocation d'Allah, azza wa jal. Leur langue était ratban min dhikrillah. Leur langue était toujours trempée dans le rappel d'Allah, azza wa jal. Et ils délaissaient le copinage. Tu n'as pas besoin de camarade, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va te tenir compagnie. Car tu es un abd lillahi azza wa jal. Et ton cœur, il s'apaise lorsqu'il est proche d'Allah azza wa jal. Au contraire, ça te dérange. Wallahi ya akhi, que celui qui a compris al-unsu billah, celui qui a compris l'intime lien avec Allah azza wa jal, eh bien en i'tikaf, il n'est pas bien quand quelqu'un vient le voir, si ce n'est pour rendre service à cette personne, parce qu'elle a besoin de quelque chose, alors le lien qu'il va créer avec cette personne à ce moment-là, c'est un lien, donc c'est une ta'a, c'est le fait d'être au service de son frère. Ce qui est encore mieux qu'un i'tikaf, comme a dit Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, que être au service de mon frère, c'est mieux pour moi que d'être dans l'i'tikaf, je ne sais combien il avait cité d'années. Mais ça, c'est pour un i'tikaf qui n'est pas obligatoire. Donc certes, si tu es dans un i'tikaf recommandé, que quelqu'un te demande quelque chose, ou bien il vient et te pose une question, ça bien sûr que, alhamdoulilah, ça ne te dérange pas, mais un i'tikaf vraiment que tu veux consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu veux qu'il atteigne la complétude, inshallah, ce n'est pas un i'tikaf dans lequel tu recherches des assises de bavardage, de passer le temps, de copinage avec les gens. Non, tu es seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, car tu es bien quand tu es seul avec lui. Et ça, le abd. La ilaha illallah. ton ma'boud, ton adorateur Allah, et tu veux subhanallah comme étant dans sa maison pendant une période prédéterminée, tu veux inshallah rester seul avec lui et méditer sur lui, l'évoquer, te repentir, travailler tes a'mal al-qulub, travailler ton amour d'Allah, ta crainte d'Allah, ton ikhlas, tu veux le travailler. Et quand les gens vont venir discuter avec toi, quand des soufaha, des faibles d'esprit vont venir pour te parler de tout et n'importe quoi, t'apporter les informations, les événements qui ont été dits au journal de 13h, de 20h, ça va te déranger. Ça va te polluer ce lien que tu as en ce moment avec Allah Azzawajal. C'est pour ça que tu n'as pas de portable, tu l'éteins. Si ce n'est pour l'urgence, parce que peut-être tu es marié et qu'il peut y avoir quelque chose d'extrêmement urgent. Mais il n'y a pas de portable à la base dans les itikaf, il n'y a pas d'internet dans les itikaf. Regardez où on en est arrivé à dire qu'il n'y a pas d'internet. Subhanallah. Donc ça c'est important, sans parler de jeux vidéo, qu'Allah nous protège, hein, que quelqu'un ait atteint ce niveau d'égarement, d'apporter, hein, je ne sais quoi, une console vidéo portable et d'entrer avec à la mosquée, subhanallah, pendant l'itikaf, et de jouer avec. Nas'alullah as-salam, un barbu, quelqu'un qui a plus de 20 ans, il joue encore à la console portable dans une mosquée pendant l'itikaf, pendant le mois de Ramadan. Na'udhu billah min al-ghafla. Qu'Allah nous protège de cette insouciance, de cet éloignement d'Allah Azza wa Jalla. Donc l'itikaf, il a son rôle, il a son sens, il a son esprit qui est te purifier. Déraciner ce que tu as de mauvais dans ton cœur et illuminer ce cœur de khair. Illuminer ce cœur d'amour d'Allah, de crainte d'Allah, de repentir, de revenir, de muraqaba, d'observation d'Allah Azza wa Jalla. Et ça va venir par les nombreuses actions, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Donc il dit وَاجْتِنَابِ مَا لَا يَعْنِيهِ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاجْتِنَابُ car c'est وَيُسْتَحَبُ وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ. Donc il est aussi recommandé pour lui de délaisser ce qui ne le regarde pas comme parole et acte. Donc ce qui est recommandé de délaisser comme parole et acte, c'est ce qui n'est pas haram. Mais ce qui est haram, c'est obligatoire pour lui de le délaisser. Il faut obligatoirement donc le délaisser. Donc la personne délaisse ce qui ne le regarde pas en termes de parole. Il délaisse an-namima. Il ne fait pas de colportage. Il ne fait pas de riba. Quelqu'un qui va dans les itikaf pour parler sur ses frères, ça c'est quelque chose de grave, pour parler sur ses sœurs, pour parler sur les du'ats, pour parler sur les ulama, comme ont été éprouvés beaucoup de frères et de sœurs dans cette époque, Allah purifie leur langue de ça. Celui qui est dans les itikaf pour ça, pour le jarh et le tajrih, et non pas le jarh et le ta'dil comme disent certains, pour simplement critiquer les savants, critiquer les prêcheurs, critiquer les musulmans, les personnes qui vont faire les itikaf pour cela, ils perdent leur temps. Donc tout ce qui est futile, comme parole, tout ce qui ne te regarde pas, ya akhi, toutes ces choses-là, il faut les délaisser. لأن الاعتكاف لزوم المسجد للعبادة car l'i'tikaf c'est le fait de s'astreindre à la mosquée, de rester dans la mosquée pour l'adoration. فينبغي له أن يعرض عما سوى ذلك. Donc il est de son devoir donc de délaisser ce qui ne relève pas de l'ibada. ذلك مما يضيع على المعتكف وقته بما لا فائدة له فيه. Et car cela lui fait perdre son temps dans quelque chose qui n'est pas profitable pour lui. Comme trop parler avec ceux qui sont autour de lui dans la mosquée. Ou bien parler avec celui qui le visite à chaque fois, trop parler avec lui. Ou bien parler avec celui qui lui parle au portable. Donc avoir son portable, c'est permis. Tu as peut-être une femme, des enfants, tu as une femme enceinte qui n'est pas peut-être loin d'accoucher. Tu lui as dit, moi je suis à la mosquée, si tu sens qu'il y a une urgence, tu m'appelles parce qu'il faut que tu l'amènes au centre hospitalier, etc. Na'am. Mais parler, discuter, bavarder de tout et n'importe quoi dans la mosquée pendant l'itikaf, non, ça ne relève pas du véritable itikaf. Wala ba'sa bil qalil min dhalik, mais il n'y a pas de problème un peu de ça. Ça ne va pas à l'encontre de l'esprit de l'itikaf. إذا كان في أمر محمود, si jamais c'est dans pour une situation quelque chose donc qui est louable, Mais si c'est pour quelque chose qui n'est pas louable, non. Walam yushawish ala man hawla. Et aussi, il ne faut pas faire de bruit et déranger ceux qui sont à côté de nous. Donc certains dans l'itikaf, ils se réunissent 3-4 et commencent à bavarder. Parfois même à parler à voix haute, à rigoler, prendre des fous rires. Ça, on le trouve ça dans les jeunes. Beaucoup de jeunes comme ça qui n'ont pas compris l'edeb de la mosquée. Et ils se mettent à discuter, bavarder. Quand les gens veulent se reposer, quand eux veulent se reposer, ils se mettent à rigoler. Non, et les gens à côté lisent le Coran, prient. Wahadam haram. Et ça, c'est interdit. Wahum athimun. Et ils sont dans le péché. Il dit wala yakhruju min al-masjid illa lima la budda lahu min. Et il dit il ne doit sortir donc de la mosquée seulement pour quelque chose qui est vraiment donc indispensable, qui est vraiment indispensable. Et la preuve de cela donc comme quoi on ne doit pas sortir donc, du mu'takaf, de la mosquée, sauf pour une raison vraiment valable, c'est le hadith de Aïcha, le hadith suivant. Donc il est rapporté par al-Bukhari wa Muslim. Donc il est muttafaqun alayh. Il est rapporté par al-Bukhari wa Muslim. An Aïcha radiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha atakafa yudni ilayya ra'sah. فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. Donc Aïcha radiyallahu anha, elle dit que le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il faisait l'i'tikaf, donc il rapprochait sa tête de moi et je lui brossais les cheveux. Car comme vous savez, l'appartement de Aïcha, il était complètement adjacent à la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam. Et il n'y avait pas de mur, si ce n'est un voile. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, donc avait le corps dans la mosquée. Et il mettait sa tête, donc à travers le rideau. Elle disait, وَأُرَجِّلُهُ. Elle lui brossait donc les cheveux. Radiallahu anha. Donc elle lui brossait les cheveux. Il n'est pas dit qu'elle lui touchait la peau et qu'elle faisait plus que cela. Et comme vous savez, les cheveux, ils ont « hukmul munfasil ». Les cheveux, ils ont le statut de quelque chose qui est détaché de la personne. Qui est détaché de la personne. Donc les cheveux, par exemple, toucher les cheveux d'une femme, même avec plaisir, ça n'annule pas les ablutions, même chez ceux qui ont dit que toucher une femme avec plaisir, ça annule les ablutions. Car ça, c'est hukm, ça a hukm al-munfasil, ça a le statut de quelque chose séparé. Ce n'est pas comme toucher la main, toucher le visage. Donc là, il n'y a pas une preuve qu'on peut aller toucher sa femme pendant l'itikaf ou qu'elle peut venir nous toucher. En plus, ici, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a touché Aïcha, mais c'est Aïcha qui a brossé ses cheveux. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a rapproché sa tête d'elle et elle lui brossait les cheveux. « Wa kana la yadkhulu al-bayta illa li hajatin » Et il ne rentrait pas à la maison si ce n'est par besoin. Si ce n'est par besoin. Idha kana mu'takifan, lorsqu'il était en itikaf. Donc il ne rentrait pas pour quoi que ce soit. Et dans la version de Muslim, illa li hajatil insan, sauf pour le besoin de la personne. Donc les besoins, ils peuvent être nombreux. Certains savants ont dit dans ce hadith-là que le besoin, c'est pour aller déféquer ou uriner, aller faire les besoins. Mais en réalité, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, les toilettes n'étaient pas dans les maisons. Donc le sens apparent du hadith, c'est qu'il n'allait pas pour faire ses besoins chez lui. Car les toilettes ne se trouvaient pas de manière majoritaire dans les maisons. Donc cette explication-là, c'est une explication donc, spécifique du mot « haja », alors que le mot « haja », il englobe autre chose. Tout ce qui relève vraiment du besoin entre de ce hadith-là, entre dans ce hadith-là. Quel khuruj li qada il haja min baulin aw ra'id, comme le fait de sortir pour aller uriner ou faire ses besoins, ça il y a ijma' sur le fait que c'est légiféré de sortir de la mosquée pour aller uriner ou bien pour aller déféquer, car on ne peut pas faire ça bien sûr comme toute personne le sait dans la mosquée, on ne peut pas faire ça dans la mosquée. Donc la personne est obligée de sortir pour aller uriner ou pour aller déféquer. Donc c'est permis de sortir pour aller uriner ou déféquer à l'endroit le plus proche où je peux uriner et déféquer. Donc s'il y a des toilettes donc à côté de la mosquée, je suis obligé d'aller dans ces toilettes-là. Et je ne vais pas jusqu'à chez moi pour donc faire mes besoins, uriner ou déféquer, car j'ai un endroit plus proche où je peux faire cela. Car il m'est permis de lâcher l'endroit que je suis censé donc garder, où je suis censé rester, qui est la mosquée. On revient toujours à la définition de l'i'tikaf dans le sens shar'i, l'uzum ou le masjidi, rester dans la mosquée, l'ita'atillah, pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, donc une cause me permet de sortir, faire mes besoins, donc je vais sortir à l'endroit le plus proche de cet endroit où je suis censé rester, qui est la mosquée. Donc s'il y a des toilettes à côté de la mosquée, comme c'est le cas majoritaire, je ne vais pas jusqu'à chez moi. Je ne vais pas jusqu'à chez moi pour faire mes besoins. Il n'y avait pas de toilettes comme on a aujourd'hui à côté de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'y avait pas des toilettes comme cela. Les gens allaient au loin, dans ce qu'on appelle les ha'it. Il y avait des enceintes entourées d'une murette où les gens faisaient leurs besoins et c'était donc réservé à cela. Donc, par exemple, pour sortir, aller faire ses besoins, ou al khuruj, l'il-itien bima'kalin ou masharabin, et sortir aussi pour pouvoir aller, pour pouvoir apporter sa nourriture et sa boisson. Aller acheter cela, aller le récupérer, si jamais c'est les gens de la maison qui nous le préparent, alors je peux aller chercher ma nourriture et ma boisson si je n'ai pas quelqu'un qui peut aller me le chercher. Si quelqu'un peut aller me le chercher, ça devient alors interdit, ce n'est pas permis. Car je peux préserver mon i'tikaf en utilisant cette personne-là. Et d'ailleurs, le mieux, c'est si quelqu'un, je sais qu'il ne va pas faire l'i'tikaf, de me mettre d'accord avec lui et de lui dire qu'à tel moment, j'aurai besoin de ma nourriture et ma boisson, alors tu me l'amènes. Alors, tu me l'amènes. Mais certains savants, comme l'imam Shafi'i, mathalan, il a parlé de ce qu'on appelle al-muro'a. Donc, la réputation de la personne, l'image qu'il a. Certains n'aiment pas manger devant les autres. Même en état d'i'tikaf, pour eux, ça ne se fait pas et ils n'aiment pas cela par rapport à leur personne. Peut-être que aussi, si jamais ils posent la nourriture, ils n'aiment pas manger tout seul. C'est des gens qui sont tellement généreux et pudiques qu'ils vont obligatoirement inviter tout le monde. Mais il n'a pas beaucoup de nourriture. Et s'il invite tout le monde, ils vont tout manger, ils ne vont rien lui laisser. Donc, à ce moment-là, certains savants ont dit, c'est permis donc de sortir pour aller manger, par exemple, chez soi ou dans un autre endroit où personne ne va me voir, pour pouvoir manger seul. Certaines personnes, ils n'ont pas grand-chose à manger. Certaines personnes n'ont pas grand-chose à manger et ils ne peuvent pas s'asseoir et manger tout seul dans un coin de la mosquée. Il est permis, wallah a'lam, vraiment dans ce cas-là, donc de sortir. Si vraiment c'est quelque chose qui, pour lui-même, ça va à l'encontre de sa muru'a, de son image. Il y a des gens aussi pour préserver leur image, des grands savants, mathalan, des gens qui préfèrent garder une certaine carrure auprès des gens, n'aiment pas manger comme ça auprès des gens. Car quand tu manges, c'est vrai, devant les gens, parfois, surtout aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que la discipline, le edeb, la politesse avec les gens de science, les imams, etc. Quand ils te voient manger, tu descends d'un cran en termes de prestance et de respect auprès de ces gens-là. Après, peut-être tu vas les amener, les inviter, « Akhi, marhaban, viens manger, boire avec moi. » Surtout, nous, on sait dans quel pays on vit, les jeunes, même s'ils ont la barbe et le khamis aujourd'hui, pour un rien, ils dérapent. Après, ça devient leur pote, l'imam. Ils tapent sur l'épaule, ils mangent un œuf avec lui, ils boivent un verre et c'est fini. Après, même ils peuvent en arriver à mal parler. Donc, il y a des gens qui, pour préserver la muru'a, leur charisme, et leur personnalité auprès des gens, ils mangent de manière isolée. Ou bien si jamais la mosquée aussi, les gardiens de la mosquée, ils interdisent donc de faire rentrer la nourriture, ou la mosquée aussi, ils interdisent ça parce que c'est une mosquée qui vient juste d'être construite avec une moquette très chère, par exemple. Et ça peut être interdit pour la maslaha. Ça peut être interdit pour la maslaha. Parce que si les gens, chacun amène sa shorba, lui sa harira, et qu'à la fin, il y en a de partout, et que ce n'est pas une nourriture « sèche », entre guillemets, que ce n'est pas simplement des dattes, de l'eau, qu'après on a vraiment des sauces, etc., et que la maslaha implique que pendant l'i'tikaf, on dise à tout le monde, on ne peut pas manger. Peut-être il y aura une boutique en face qui vend de la nourriture, ou il y aura un endroit qui sera donc réservé à la nourriture en face de la mosquée. Alors à ce moment-là, la personne, elle est obligée de sortir. Et ça peut être pour la maslaha quelque chose qui est décidé. Il ne faut pas dire non, mais ça, ce n'est pas permis. Comment ça, au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, ils mangeaient dans la mosquée, alors nous, on est mieux qu'eux. Non, mais au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, ils n'avaient peut-être pas comme nourriture ce que nous, on avait. Et c'est sûr que c'était des gens bien plus éduqués que nous. Khairun nas qarni, les meilleurs gens sont ceux de mon siècle. Nous, aujourd'hui, on le voit, on a trouvé des noyaux de dattes dans les mosquées. Pendant le mois de Ramadan, après la prière du Maghrib, tu tournes, tu trouves des noyaux de dattes. On a combien de verres de lait qui ont été renversés parce que les personnes ont voulu boire du lait au moment du fotor. Et ils ont fait couler du lait. Alors, sans parler des bols de shorba, de harira, ou je ne sais quoi, avec un i'tikaf ouvert à 200-300 personnes, 500, voire 1000 dans des villes comme la nôtre. On se retrouve aux 10 derniers jours de Ramadan avec tout le monde qui a sa shorba, sa cocotte de harira, etc., et sa louche, et à remplir des bols sur la mosquée, sur la moquette de la mosquée. C'est impensable, ça, quasiment. C'est quasiment impensable. Donc, il se peut que dans une mosquée, la nourriture soit interdite à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, elle sera permis, Allah alam, de sortir, bien sûr, car il n'y a pas le choix. Comme c'est le cas aujourd'hui, fi masjid al-haram. Aujourd'hui, c'est interdit. Masjid al-haram, tu ne peux pas entrer avec ta nourriture comme ça, sauf si tu la rentres sous le qamis ou sous le jilbeb. À la base, tu ne rentres pas avec de la nourriture. Les gardiens qui sont à la porte, ils ne te laissent pas entrer avec de la nourriture. Il dit « illa an yashtarita ». Illa an yashtarita. Donc, il n'est pas permis pour la personne de sortir de la mosquée, sauf pour quelque chose de vraiment indispensable, nécessaire. Il dit « illa an yashtarita ». Donc, ça, c'est dans le madhab. Dans le madhab Hanbali, avant de faire ton i'tikaf, donc, ils disent, tu mets l'intention, donc, en le prononçant, que tu vas faire, donc, que dans ton i'tikaf, tu conditionnes certaines choses, donc, que tu te permettras de faire et qui n'annuleront pas ton i'tikaf. Donc, tu conditionnes, par exemple, que dans cet i'tikaf, tu dis à Allah, donc, pendant cet i'tikaf-là, je mets comme condition, donc, qu'il m'est permis d'aller dormir chez moi. Dans cet i'tikaf-là, je mets comme condition, donc, d'aller manger à midi et le soir chez moi, alors que tu peux avoir ta nourriture plus proche. Donc, tu mets cette condition. L'imam Malik, rahimahullah, lui dit que ce n'est pas permis ça, l'ijtirat. Ce qu'on dit, donc, il était permis de faire l'ijtirat, de conditionner des choses dans l'i'tikaf, ils ont fait un qiyas sur le hajj. Un qiyas sur le hajj, sur le pèlerinage, car ça, c'est permis. Donc, dans le hajj. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, donc, à Aïcha, radiyallahu anha. Aïcha, radiyallahu anha, elle dit que دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على دباعة بنت زبير ابن عبد المطلب. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام donc est rentré chez cette femme-là رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج. Elle a dit: Oh messager d'Allah, je veux faire le hajj. وأنا شاكية, mais donc je me plains de, je suis malade. Donc, j'ai peur de ne pas pouvoir finir ce hajj-là. Faqala, hujji, donc fais ton hajj, washtariti, et mets comme condition, anna mahalli haythu habasatni. Et je mets comme condition, que, donc, mon pèlerinage, il s'arrête là, où m'arrêtera donc la cause que je crains. Rapporté par Muslim. Et il a rajouté, donc ça c'est dans une version d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَسْتَثْنَيْتِ. Car tu as donc pour toi, par rapport à ton Seigneur, ce que tu as donc exclu, mis comme condition. Donc ils ont dit, c'est pareil dans l'i'tikaf. Oh Allah, je veux faire tel i'tikaf, et je mets comme condition que je peux manger midi et soir à la maison, que je peux faire un footing entre Dhuhr et Asr, que je peux, l'imam Malik l'a dit non. Sinon, il reste quoi à la fin? On a dit l'i'tikaf, c'est l'ouzoum, le masjid, c'est rester dans la mosquée. Après, tu peux mettre les chartes que tu veux. tu peux mettre les conditions que tu veux, qu'est-ce qui restera dans l'itikaf? Aussi, les savants qui ont dit ça c'est permis, ils ont dit parce que on parle de l'itikaf recommandé là. Mettre une condition, c'est dans l'itikaf recommandé. Du moment que c'est un don de ta part, un tatawwu', que c'est une œuvre surrogatoire, tu peux alors en donner ce que tu veux. Tu peux donner comme partie de la journée ce que tu veux. Mais ça fait perdre à l'itikaf son esprit. Donc Allah alam, l'avis de l'imam Malik, il a sa force, que ce n'est pas permis. Hein, que ce n'est pas permis, Allah alam. Car il n'y a pas de délil fort par rapport au fait de mettre des conditions dans l'itikaf. Et ça, c'est donc un qui est sur le hajj. Et le hajj, c'est une ibada indépendante, isolée. Et l'itikaf, c'est une autre ibada. Il dit ensuite, rahimahullah, wa la yubashiru mara'atah. Et il ne doit pas toucher sa femme. Donc toucher dans le sens large. Hein? Toucher dans le sens large, c'est-à-dire tout ce qui relève de prendre du plaisir avec sa femme. Donc du baiser jusqu'au rapport sexuel, tout cela est interdit. Hein? Donc tout ce qui relève donc du plaisir. Hein? Mais simplement toucher comme ça, le simple contact, ce n'est pas ça qui est visé par ça. Même si l'expression est générale. D'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de savants ont dit que ça n'entre pas en compte. Allah alam, celui qui veut délaisser le contact de manière totale et absolue, afdal. En raison de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ » Et ne les touchez pas alors que vous êtes en itikaf dans les mosquées. Alors que vous êtes en itikaf dans les mosquées. Donc il n'est pas permis de prendre plaisir avec sa femme, car ça va à l'encontre de l'esprit de l'itikaf. Ça va à l'encontre de l'esprit de l'itikaf. Et l'itikaf, c'est donc rester dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une mosquée. Et ce n'est pas prendre du plaisir avec sa femme. Il dit ensuite, وَإِنْ سَأَلَ عَنِ الْمَرِيدِ وَغَيْرِهِ فِي تَرِيقِهِ وَلَمْ يُعَرِّجْ إِلَيْهِ جَازِ. Et si jamais, donc il demande les nouvelles d'un malade, il passe donc devant un malade par rapport à un besoin qu'il a. Par exemple, il est sorti de la mosquée pour aller aux toilettes ou aller chercher sa nourriture. Et sur le chemin, il passe devant un malade. Il passe devant un malade. Il dit, ou bien quelqu'un d'autre qu'un malade. Donc sur son chemin, il lui est permis donc de demander des nouvelles, mais sans dévier de son chemin pour aller vers lui. Sans dévier de son chemin pour aller vers lui. Ça, c'est tiré du hadith de Aïcha radiallahu anha, qui est dans Sahih Muslim. Elle dit, elle, « In kuntu la adkhulu al-bayta lil haja, ay wa hiya mu'takifa, wal maridu fih, fama as'alu anhu illa wa ana marrah. » Elle dit, radiallahu anha, donc elle rentrait chez elle. Elle disait, je rentrais donc à la maison par besoin, car il y avait un besoin, elle était en état d'itikaf. Et il y avait un malade à la maison. Donc elle parle au sens large de la maison du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle dit, je demandais au sujet de ce malade, donc, qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va mieux. Elle disait, je demandais au sujet du malade, wa ana marra, alors que je passais tout droit. Donc sans dévier de son chemin. Donc ça, c'est un acte de Aïcha radiallahu anha. Ce n'est pas un acte du prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu alam, certains ont dit que ce hadith-là aussi, il est marfou', qu'il a été rapporté comme étant un acte du prophète alayhi salatu wassalam. Mais Allah alam, ça c'est une erreur de certains rapporteurs. Et ce qui est authentique, c'est que c'est un acte de Aïcha radiallahu anha. Wallahu alam, il n'est pas permis de visiter le malade, de suivre le cortège d'un musulman ou d'une musulmane, tous ces actes-là, ils ne permettent pas de sortir donc de l'i'tikaf dans le madhhab. Certains savants disent que oui, mais Allah alam wa selon le madhhab, que ce n'est pas permis, qu'il faut rester donc, inshallah, dans la mosquée et ne pas en sortir si jamais il y a une raison valable. Il y a un hadith du prophète, alayhi salatu wa salam, un hadith de Hudhayfa radiallahu anh, qui dit que le prophète alayhi salatu wa salam a dit l'a'tikafa illa fi thalathati masajid. Il n'y a pas d'i'tikaf si ce n'est donc dans trois mosquées, la mosquée sacrée Masjid al-Haram, la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam, et Masjid al-Aqsa, et la mosquée d'Al-Aqsa. Donc ce hadith-là, d'abord, il y a divergence sur son authenticité. Certains l'affaiblissent, d'autres le rendent authentique. Cheikh al-Albani, rahimahullah, l'authentifie. Et certains savants ont tiré de ce hadith-là qu'il n'y a pas d'i'tikaf authentique si ce n'est dans ces trois mosquées-là. Donc l'i'tikaf, en réalité, il ne se fait que dans Masjid al-Haram et la mosquée du prophète, alayhi salatu wa salam, et la mosquée Masjid al-Aqsa. Cheikh al-Albani, rahimahullah, était de cet avis-là. Mais l'avis, quasiment de toute la Ummah, de tous les savants, c'est que l'i'tikaf peut se faire dans n'importe quelle mosquée. Car le Coran, il dit « Wa antum aakifuna fil masajid » les mosquées. Avec « alif lam tufidu l'istighraq » ce « alif lam » donc « tufidu l'istighraq » wa tufidu l'umum » wa tufidu l'umum » donc les mosquées, cette expression-là, elle indique la généralité, elle englobe toutes les mosquées. Et spécifié par ce hadith-là, où il y a divergence, ça va à l'encontre de Sarih al-Qur'an, ça va à l'encontre donc du sens littéral et clair du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith-là, il est interprété « L'a'tikaf kamila » il n'y a pas d'i'tikaf complet si ce n'est dans les trois mosquées. Donc c'est sûr que l'i'tikaf dans ces trois mosquées, c'est le meilleur i'tikaf possible. Mais pas d'i'tikaf authentique si ce n'est dans ces trois mosquées. Donc l'i'tikaf est batil dans toute mosquée si ce n'est ces trois-là. Allah a'lam, cette parole-là, elle est faible. C'est une parole faible. Donc juste on l'a cité parce qu'il se peut que certains tombent dessus, mais il faut savoir que c'est une parole faible et shadha singulière qui est délaissée par la majorité écrasante de la Ummah. Et la Ummah, depuis des siècles, les savants de manière majoritaire disent que l'i'tikaf est permis donc dans toute mosquée. Mais le mieux, ayyuhal ikhwa, donc c'est de faire l'i'tikaf donc pendant le mois de Ramadan et notamment les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a toujours fait cela, comme l'a dit Aïcha radiallahu anha, sauf une année, donc il n'a pas fait donc l'i'tikaf pendant les 10 derniers jours et ensuite il l'a fait pendant les 20 derniers jours du mois de Ramadan. Dans les 20 derniers jours du mois de Ramadan, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on voit bien que c'est une sunna qui est délaissée, ça. Bon, en raison de nos mosquées, hélas, qui sont gérées souvent par des juhel, des ignorants, c'est une réalité. On s'excuse, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup d'ignorants aujourd'hui qui gèrent nos mosquées, qui interdisent tout, au nom de la sécurité, au nom de je ne sais quoi, et qui ne laissent pas les musulmans se retirer dans les maisons d'Allah Azza wa Jal et évoquer Allah Azza wa Jal, lire le livre d'Allah pendant cette période et pouvoir augmenter, inshallah, les probabilités d'atteindre Laylat al-Qadr. Donc, celui qui trouve une mosquée où il peut faire l'i'tikaf, qu'il court vers cette mosquée-là et qu'il fasse l'i'tikaf, c'est vraiment quelque chose qui sera très profitable. Et ce n'est pas, je reviens, ce n'est pas que je veux m'acharner, comme pourraient penser certains, sur les frères du Tablir, mais on les entend beaucoup dire on va faire l'i'tikaf les 10 derniers jours. Quand ils passent dans les mosquées faire leur tashkil, donc leur exhortation à sortir, ils disent aux gens, là c'est le mois de Ramadan, c'est important de faire le khourouj car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'i'tikaf les 10 derniers jours. Et ils utilisent donc cette cause-là pour exhorter les gens. Oui, ils faisaient l'i'tikaf, après ils ne faisaient pas une jaoula, ils ne sortaient pas dans le quartier, faire un tour pour prêcher. Ils ne sortaient pas aller faire du porte-à-porte, etc. après. Donc l'i'tikaf, ça a un esprit, ça a un sens. Donc il ne faut pas mélanger l'i'tikaf et autre chose. Donc l'i'tikaf, celui qui peut le faire, qu'il le fasse ayyuhal ikhwa, pour surtout avoir comme objectif aussi, inshallah, bien sûr, après se rapprocher d'Allah et se purifier, c'est d'atteindre Laylat al-Qadr. D'atteindre Laylat al-Qadr, et celui qui l'aura atteint, inshallah, khayrun min elfi shahr, meilleur que 1000 mois. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui se lève pendant la nuit de Laylat al-Qadr, qui la passe donc en veillée, par foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ, ses péchés précédents sont pardonnés. Donc c'est quelque chose de عظيم, ayuha l'ikhwa. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجَرِ, c'est la paix jusqu'à ce que se lève l'aube. Donc inshallah, qu'Allah nous permette de faire l'itikaf et un vrai بِحَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ, on remercie Allah et on le loue. On a fini inshallah kitab al-siyam, même si la porte de l'itikaf, on est assez vite passé, on est passé assez rapidement, Allah alam, mais le but c'est le pragmatisme inshallah, qu'Allah nous permette donc de le faire, et avec les grandes règles, savoir ce qui annule de manière générale l'itikaf, donc sortir sans raison valable, toucher avec plaisir les femmes, toutes ces choses-là annulent, mais en dehors de cela, inshallah, et donc il faut remplir son temps de bonnes actions en termes de paroles et d'actes. Et bihaoulillah, qu'Allah accepte, inshallah, et on le remercie encore qui nous a permis de finir Kitab al-Siyam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.